mon ami, mon copain, mon pote, je te connais bien. T'es toujours agréable, le genre de mec affable. Tu te lèves le matin, sans café, pas besoin. Tu ne te mets pas minable, t'es quand même raisonnable. Mais sache, Romain, écoute-moi bien, une chose a changé. Tu t'es fait un bébé. Tiens, t'as les yeux cernés, te parfume en bébé. Petite odeur de lait, mêlée de couches souillées. Tu me dis qu'elle gazouille et que tu vois dans sa bouille. Il y a stage, c'est mignon, puis c'est pas encore con. Mais sache, Romain, on n'y peut rien. Une chose a changé. Les temps CP. Tu lui apprends le vélo, te fais un lumbago. Elle tombe sur la chaussée, et où elle va chialer. Ce qu'elle veut faire dans la vie, c'est de jouer dans la story. Elle danse la tectonique, non c'est pas génétique. Écoute Romain, putain ça craint. Une chose a changé. Elle est au lycée. Et c'est la crise d'ado, toi tu en as plein le dos. Tu connais son copain, c'est un fief et crétin. Paraît qu'elle fume des pétards, qu'est-ce qu'elle va se prendre ce soir. Elle te traite de facho et puis colle au bistrot. Arrête Romain de pleurer, c'est bien que cette chose ait changé. Elle part s'installer. Elle finit ses études très loin là-bas, dans le sud. Et toi tu tournes en rond. C'est vide cette maison. Elle a trouvé un métier. Et puis elle va se marier. Il faut pas que tu stresses. Allez Romain. Et viens Romain, viens. Viens, on va jouer. On va jouer à la Super NES. Tu vois, Romain, on rigole bien, y a rien de changé, sauf qu'on t'appelle.